Chapitre 7. La vie chez les mammouths. Nam avait bien gardé le feu. Il brûlait, clair et pur, dans sa cage lorsque Nao le retrouva. Et quoique son harassement fût extrême, que la blessure mordît sa chair comme un loup, que sa tête bourdonnât de fièvre, le fils du léopard eut un grand moment de bonheur. Dans sa large poitrine battait toute l'espérance humaine, plus belle de ce que, sans l'ignorer, il ne songeait pas à la mort. La jeunesse palpitait en lui, et pour sa courte prévoyance, c'était l'éternité. Il vit le marécage au printemps, lorsque les roseaux dardent tous ensemble leurs flèches tendres, lorsque les peupliers, les aulnes et les saules revêtent leurs fourrures vertes et blanches, lorsque les sarcelles, les hérons, les ramiers, les mésanges s'interpellent, lorsque la pluie tombe si allègre que c'est comme si la vie même tombait sur la terre. Et devant les eaux et sur les herbes et parmi les arbres, la face de la postérité était la face de Gamla. Toute la joie des hommes était le corps flexible, les bras fins et le ventre rond de la fille de Faoum. Quand Nao eut rêvé devant le feu, il cueillit des racines et des plantes tendres pour en faire hommage au chef des mammouths, car il concevait que l'alliance, pour être durable, devait chaque jour être renouvelée. Alors seulement, Nam prenant la garde, il alla choisir une retraite au centre du grand troupeau et s'y étendit. « Si les mammouths quittent le pâturage, fit Nam, je réveillerai le fils du léopard. »« Le pâturage est abondant, répondit Nao. Les mammouths y paîtront jusqu'au soir. » Il tomba dans un sommeil profond comme la mort. Quand il s'éveilla, le soleil s'inclinait sur la savane. Des nuages, couleur de schiste, s'amoncelaient. Et, doucement, ils ensevelissaient le disque jaune pareil à une vaste fleur de nénuphar. Nao se sentit les membres brisés aux jointures. La fièvre courait au travers de son crâne et de son échine, mais le bourdonnement s'affaiblissait dans ses oreilles et la douleur de son épaule reculait. Il se leva, regarda d'abord le feu, puis demanda au veilleur. « Les Xams sont-ils revenus ?»« Ils ne se sont pas éloignés encore. Ils attendent sur le bord du fleuve, devant l'île aux hauts peupliers. »« C'est bien, » répondit le fils du léopard. « Ils n'auront pas de feu pendant les nuits humides. Ils perdront courage et retourneront vers leur horde. Que Nam dorme à son tour. » Tandis que Nam s'étendait sur les feuilles et le lichen, Nao examina Gao, qui s'agitait dans un rêve. Le jeune homme était faible, la peau ardente. Son souffle passait avec rudesse, mais le sang ne coulait plus de sa poitrine. Le chef, songeant qu'il ne rentrerait pas encore dans les racines de la terre profonde, se pencha sur le feu avec un grand désir de le voir croître dans un brasier de branches sèches. Mais il repoussa ce désir vers les journées suivantes, car il fallait d'abord obtenir que le chef des mammouths permît aux oulamres de passer la nuit dans son camp. Nao le chercha du regard. Il l'aperçut, solitaire, selon son habitude, pour mieux veiller sur le troupeau et mieux scruter l'étendue. Il paissait des arbrisseaux dont la tête dépassait à peine le sol. Le fils du léopard cueillit des racines de fougères comestibles. Il trouva aussi des fèves de marais, puis il se dirigea vers le grand mammouth. La bête, à son approche, cessa de ronger les arbrisseaux tendres. Elle agita doucement sa trompe velue, et même elle fit quelques pas vers Nao. En lui voyant les mains chargées de nourriture, elle montra du contentement et elle commençait aussi à éprouver de la tendresse pour l'homme. Le nomade tendit la provende qu'il tenait contre sa poitrine et murmura. « Chef des mammouths, les Xams n'ont pas encore quitté le fleuve. Les oulamres sont plus forts que les Xams, mais ils ne sont que trois, tandis qu'eux sont plus de trois fois deux mains. Ils nous tueront si nous nous éloignons des mammouths. » Le mammouth, rassasié par une journée de pâture, mangeait lentement les racines et les fèves. Il regarda le soleil couchant, puis il se coucha sur le sol, tandis que sa trompe s'enroulait à demi autour du torse de l'homme. Nao en conclut que l'alliance était complète, qu'il pourrait attendre sa guérison et celle de Gao dans le camp des mammouths, à l'abri des Xams, du lion, du tigre et de l'ours gris. Peut-être même lui serait-il accordé d'allumer le feu dévorant et de goûter la douceur des racines, des châtaignes et des viandes rôties. Or, le soleil s'ensanglanta dans le vaste occident, puis il alluma les nuages magnifiques. Ce fut un soir rouge comme la fleur de basilier, jaune comme une prairie de renoncule, lilas comme les veilleuses sur une rive d'automne, et ses feux fouillaient la profondeur du fleuve. Ce fut un des beaux soirs de la terre mortelle. Il ne creusa pas des contrées incommensurables comme les crépuscules d'été, mais il y eut des lacs, des îles et des cavernes pétries de la lueur des magnolias, des glaïeuls et des églantines, dont l'éclat touchait l'âme sauvage de Nao. Il se demanda qui donc allumait ces étendues innombrables, quels hommes et quelles bêtes vivaient derrière la montagne du ciel. Il y avait 3 jours que Nao, Gawenam, vivait dans le camp des mammouths. L'examen vindicatif continuait à rôder au bord du grand fleuve, dans l'espoir de capturer et de dévorer les hommes qui avaient déjoué leurs ruses, défié leurs forces et pris leur feu. Nao ne les redoutait pas. Son alliance avec les mammouths était devenue parfaite. Chaque matin, sa force était plus sûre. Son crâne ne bourdonnait plus. La blessure de son épaule, peu profonde, se fermait avec rapidité. Toute fièvre avait cessé. Gaou s'y guérissait. Souvent, les 3 oulams montés sur un tertre défiaient les adversaires. Nao criait. « Pourquoi rôdez-vous autour des mammouths et des oulams? Vous êtes devant les mammouths comme des chacals devant le grand ours. Ni la massue, ni la hache d'aucun xam ne peuvent résister à la massue et à la hache de Nao. Si vous ne partez pas vers vos terres de chasse, nous vous dresserons des pièges et nous vous tuerons. » Nam et Gaou poussaient leurs cris de guerre en brandissant leurs sagaies. Mais les xams rôdaient dans la brousse, parmi les roseaux, sur la savane ou sous les érables, les sycomores, les frênes et les peupliers. On apercevait brusquement un torse velu, une tête aux grands cheveux, ou bien des silhouettes confuses se glissaient dans les pénombres. Et quoiqu'ils fussent sans crainte, les oulams détestaient cette présence mauvaise. Elle les empêchait de s'éloigner pour reconnaître le pays. Elle menaçait l'avenir, car il faudrait bientôt quitter les mammouths pour retourner vers le nord. Le fils du léopard songeait au moyen d'éloigner l'ennemi de sa piste. Il continuait à rendre hommage au chef des mammouths. 3 fois par jour, il rassemblait pour lui des nourritures tendres, et il passait de grands moments assis auprès de lui, à tenter de comprendre son langage et de lui faire entendre le sien. Le mammouth écoutait volontiers la parole humaine. Il secouait la tête et semblait pensif. Quelquefois, une lueur singulière étincelait dans son œil brun, ou bien il plissait la paupière comme s'il riait. Alors Nao songeait, le grand mammouth comprend Nao, mais Nao ne le comprend pas encore. Cependant, ils échangeaient des gestes dont le sens n'était pas douteux et qui se rapportaient à la nourriture. Quand le nomade criait « Voici !», le mammouth approchait tout de suite, même si Nao était caché, car il savait qu'il y avait des racines, des tiges fraîches ou des fruits. Peu à peu, ils apprirent à s'appeler, même sans motif. Le mammouth poussait un bari adouci, Nao articulait 1 ou 2 syllabes. Ils étaient contents d'être à côté l'un de l'autre. L'homme s'asseyait sur la terre, le mammouth rôdait autour de lui, et quelquefois par jeu, il le soulevait dans sa trompe enroulée, délicatement. Pour arriver à son but, Nao avait ordonné à ses guerriers de rendre hommage à 2 autres mammouths qui étaient chefs après le colosse. Comme ils étaient maintenant familiers avec les nomades, ils avaient donné l'affection qui leur était demandée. Ensuite, Nao avait appris aux jeunes hommes comment il fallait habituer les géants à leur voix, si bien que le 5e jour, les mammouths accouraient aux cris de Nam et de Gaou. Les oulams eurent un grand bonheur. Un soir, avant la fin du crépuscule, Nao, ayant accumulé des branches et des herbes sèches, osa y mettre le feu. L'air était frais, assez sec, la brise très lente. Et la flamme avait cru, d'abord noire de fumée, puis pure, grondante et couleur d'aurore. De toutes parts, les mammouths accoururent. On voyait leurs grosses têtes s'avancer et leurs yeux luire d'inquiétude. Les nerveux barrissaient, car ils connaissaient le feu. Ils l'avaient rencontré sur la savane et dans la forêt. Quand la foudre s'était abattue, il les avait poursuivis avec des craquements épouvantables. Son haleine leur cuisait la chair, ses dents perçaient leur peau invulnérable. Les vieux se souvenaient de compagnons saisis par cette chose terrible et qui n'étaient plus revenus. Aussi considérait-il avec crainte et menace cette flamme autour de laquelle se tenaient les petites bêtes verticales. Nao, sentant leur déplaisir, se rendit auprès du grand mammouth et lui dit « Le feu des oulambres ne peut pas fuir, il ne peut pas croître à travers les plantes, il ne peut pas se jeter sur les mammouths. Nao l'a emprisonné dans un sol où il ne trouverait aucune nourriture. » Le colosse, amené à 10 pas de la flamme, la contemplait, et, plus curieux que ses semblables, pénétré aussi d'une confiance obscure en voyant ses faibles amis si tranquilles, il se rassura. Comme son agitation ou son calme réglait depuis de longues années l'agitation et le calme du troupeau, tous, peu à peu, ne redoutèrent plus le feu immobile des oulambres comme ils redoutaient le feu formidable qui galope sur la steppe. Ainsi Nao put nourrir la flamme et refouler les ténèbres. Ce soir-là, il goûta la viande, les racines, les champignons rôtis, et il s'en délecta. Le 6e jour, la présence des Xames devint plus insupportable. Nao avait maintenant repris toute sa force. L'inaction lui pesait. L'étendue l'appelait vers le nord. Ayant vu plusieurs torses velus apparaître parmi des platanes, il fut saisi de colère. Il s'exclama « Les Xames ne se nourriront pas de la chair de Nao, de Gaou et de Nam. » Puis il fit venir ses compagnons et leur dit « Vous appellerez les mammouths avec lesquels vous avez fait alliance, et moi je me ferai suivre du grand chef. Ainsi nous pourrons combattre les dévoreurs d'hommes. » Ayant caché le feu en lieu sûr, les oulambres se mirent en route. À mesure qu'ils s'éloignaient du camp, ils offraient des aliments aux mammouths, et Nao, par intervalle, parlait d'une voix douce. Cependant, à une certaine distance, les colosses hésitèrent. Le sentiment de leur responsabilité envers le troupeau s'accroissait à chaque enjambée. Ils s'arrêtaient, ils tournaient la tête vers l'occident. Puis ils cessèrent d'avancer. Et lorsque Nao fit entendre le cri d'appel, le chef des mammouths y riposta en appelant à son tour. Le fils du léopard revint sur ses pas. Il passa la main sur la trompe de son allié, disant « Les Xames sont cachés parmi les arbustes. Si les mammouths nous aidaient à les combattre, ils n'oseraient plus rôder autour du camp. » Le chef des mammouths demeurait impassible. Il ne cessait de considérer, à l'arrière, le troupeau lointain dont il menait les destinées. Nao, sachant que les Xames étaient cachés à quelques portées de flèche, ne put se résoudre à abandonner l'attaque. Il se glissa, suivi de Nam et de Gaou, à travers les végétaux. Des javelots sifflèrent. Plusieurs Xames se dressèrent sur la broussaille pour mieux viser l'ennemi. Et Nao poussa un long, un strident cri d'appel. Alors le chef des mammouths parut comprendre. Il lança dans l'espace le baril formidable qui rassemblait le troupeau. Il fonça, suivi des 2 autres mâles, sur les dévoreurs d'hommes. Nao, brandissant sa massue, Nam et Gaou, tenant la hache dans leur main gauche, un dard de la main droite, s'élançaient en clamant belliqueusement. Les Xames, épouvantés, se dispersèrent à travers la brousse, mais la fureur avait saisi les mammouths. Ils chargeaient les fugitifs comme ils auraient chargé des rhinocéros, tandis que de la rive du grand fleuve, on voyait le troupeau accourir par masses fauves. Tout craquait sur le passage des bêtes formidables. Les animaux cachés, loups, chacals, chevreuils, cerfs, élafes, chevaux, saïgas, sangliers, se levaient à travers l'horizon et fuyaient comme devant la crue d'un fleuve. Le grand mammouth atteignit le premier fugitif. Le Xame se jeta sur le sol en hurlant de terreur, mais la trompe musculeuse se replia pour le saisir. Elle lança l'homme verticalement à 10 coudées de terre, et lorsqu'il retomba, une des vastes pattes l'écrasa comme un insecte. Ensuite, un autre dévoreur d'hommes expira sous les défenses du 2e mâle. Puis l'on vit un guerrier, tout jeune encore, se tordre, hurlant et sanglotant dans une étreinte mortelle. Le troupeau arrivait. Son flux monta sur la broussaille. Un mascaret de muscles engloutit la plaine. La terre palpita comme une poitrine. Tous les Xames qui se trouvaient sur le passage depuis le grand fleuve jusqu'au tertre et jusqu'au bois de frêne furent réduits en boue sanglante. Alors seulement la fureur des mammouths s'apaisa. Le chef, arrêté au pied d'un mamelon, donna le signal de la paix. Tous s'arrêtèrent, les yeux encore étincelants, les flancs secoués de frissons. Les Xames, échappés au désastre, fuyaient éperdument vers le midi. Il n'y avait plus à craindre leur embûche.